Avant de commencer, je veux dire peace aux filles puis aux partenaires en centre d'accueil. Foyer d'accueil, maison d'accueil, puis en détention incarcérale, prison, get man, n'importe quoi. J'espère qu'aujourd'hui la journée a pas été trop longue. Si oui, ben monte le son. Peace, je pense à vous autres. Puis j'oublie pas qui est qui, puis qui fait quoi et pourquoi. C'est comme ça, qui sied à mon opi est là, toujours. Comme une bombe qui tombe, mortelle telle une tombe. Mon esprit surplombe, plonge, éponge. Avec on les souvenirs de guerre au goût amer. Au résultat fatal, l'équipe Pierre Tombal. Peace à Montréal, mon coup en détention incarcérale. Rien a changé, j'suis toujours aussi malade. Mais aujourd'hui j'me sens mal d'avoir fait autant de mal. Mais man, c'est tellement dur quand t'es latinos, métis ou noir. La société te fait sentir tellement mal, que t'as mal. Pis tu fais mal, catastrophe pas normal. Bientôt on va porter des vestes anti-balles. Mais j'aurais aimé avoir une vie banale normale. Une bonne job, un bon salaire, une souffleuse pour l'hiver. Une grande maison rectangulaire avec un toit solaire qui filtre les rayons, qui éclaire la terre. Pis qui réchauffe ma piscine hors terre, qui pile une toile solaire. À place, je me suis battu contre des fans d'Hitler. J'ai eu un casier judiciaire, pis mon cœur a déjà fait neuf. Ga, ga, ga, ga, ga. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. J'avais un ami qui se prenait pour un caïd. À moitié lucide, à moitié sur l'acide. Il se battait pour rien, sortait jamais sans âme. Toujours prêt, frais, jamais calme. Si tu faisais un mauvais pas, il sortait son gun. Je l'ai vu sortir son magnum minimum 5 fois. Chaque fois, il se tournait pour le roi. Aïe, aïe, aïe, ok, si check ça. Aïe, aïe, aïe, check le gars, go rire. Mais un jour, blanc, sans comment ni pourquoi, il est mort, 3 balles sans froid. Aujourd'hui, dis-moi, Thunder, qui est le roi, hein? Ta mère pleure, ton père se meurt. Toi, t'es mort, fini, parti. Pis ta blonde t'aime encore. Dis-moi, ça valait-tu la peine de vivre avec autant de haine? As-tu des remords, Thunder, maintenant que t'es mort? Ta gueule, pis ta vie, pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Parfois, soir à l'école de regard, vêtu de noir, je me regarde à miroir. Je pense à ceux qui sont morts, ceux qui avaient raison, ceux qui avaient tort. Ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient forts. Ceux qui ont flash avec un bang bang. Ceux qui se sont hang damn peace. Josie, Jason, Cliff and Sam. Pis peace à leur dame, leur famille et leur âme. Pis parfois, je pense que ça aurait pu être moi. Pourquoi pas, c'est moi qui avais la grande gueule pis qui parlait tout le temps fort. Mais bon, j'suis pas encore mort. J'suis ici parmi mes amis, mes ennemis. Pis j'en ris pas, parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre ce genre de vie. Fait que si t'es pas prête à mourir aujourd'hui, change ton mode de vie. Parce que tôt ou tard, pow! Quelqu'un va prendre ta vie. Fait que ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ouais. Yeah. Sans rien, tout gangster, man. Tôt ou tard, quelqu'un qui va te blaster, man. Là, qu'est-ce que tu vas faire avec le chest ouvert, man? Hein? Tu vas être mort, man. Hein? La famille va s'ennuyer. Ouais. Yeah. Ta gueule. Ta gueule, man. You know what I'm saying? Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule.